Amour déchu, non partagé, qui vient recouvrir mes plaies. Quand on aime, mais que l'on est, notre vie n'est que question et notre amour n'est que pensée. La vie défile sans prévenir, on est blasé par l'avenir. Si il faut boire pour oublier, moi je boirai pour me rappeler que si l'on peut avoir gagné, la vie à elle va nous rappeler. Je suis un con, mais je m'en fous, j'aimerais bien penser en nous. L'amour, j'imagine une foire. J'imagine une soirée à la serrer entre mes bras, en susurrant à son oreille ces quelques mots qui enflammeraient mon cœur, son cœur. Je mettrai mes